quiera. Parle pas, et après tu coches mon petit. Dernière fois, je jouais avec un pote, pour tester, et comme lui il faisait de la basse,